You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air, radio communautaire, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir tout le monde, et bonne année. Happy New Year, everyone. Tonight, I'm all by myself. This is Romain on the air. So I'm saying bonjour to Dana, Adrien, Angela, Fred, bien sûr. But it's all, I'm all by myself tonight. So we are going to primarily talk about what happened in 2018 in terms of music, but also certain events and other things. Well, I hope you all had a good holidays. We could not start a show about 2018 without first a tribute to Charles Aznavour, who passed away in October. But that's the only song that was not released or re-released in 2018. All the other songs that we're going to listen to tonight are all songs from albums that were released in 2018. Donc, musique principalement de 2018, pardon. Et nous allons donc commencer avec l'une de mes chansons préférées d'Aznavour, one of my favorite Aznavour songs. Non, je n'ai rien oublié. No, I haven't forgotten anything. Followed by two songs by Marc Lavoine. First one is 45 Tours, which is a 45 et a record. And then Elle est beau comme Rimbaud. She's as beautiful as Rimbaud. So let's start with Non, je n'ai rien oublié. Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant, prend la pose. Non, je n'ai rien. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. Moi, allons donc, je n'en ai nulle envie.

passé. J'ai essayé de m'effacer, de brûler mes rêves d'enfance, les blessures de l'adolescence. Dans les combles, dans les greniers, j'ai balayé ce que j'étais. Les souvenirs ont la dent dure, ils nous reviennent à la figure. Dans les parfums qu'on a aimés, les mots qu'on croyait oublier, rien ne s'en va de ma mémoire. Ni ton visage, ni ton regard. Dans le fond, qu'est-ce qui a changé? On est juste un peu fatigué, un peu las de nos sanglots, ta voix noyée dans un écho. Et je cours. Il me reste encore des valises, de deux passeports, quelques devises. Dans les archives du temps passé, j'ai essayé de m'effacer. Aucune gomme n'y est parvenue. Je viens à toi, le cœur à nu. Dans les parfums qu'on a aimés, les mots qu'on croyait oublier, rien ne s'en va de ma mémoire. Ni ton visage, ni ton regard. Dans le fond, qu'est-ce qui a changé? On est juste un peu fatigué, un peu las de nos sanglots, ta voix noyée dans un écho. Et je cours. Elle ne porte plus qu'un manteau de bohème étendu Le bonheur est fatal, je t'offre ma mémoire. Elle est beau comme Rimbaud, nous ne sommes pas au monde. Le monde n'est pas à nous, la vie est vagabonde. Elle est beau comme Rimbaud. Elle couche au val du dormeur, c'est l'ange de mon berceau. Et c'est elle, que c'est elle qui va sauver mon cœur, à sauver ma peau. Elle est beau comme Rimbaud. Elle est beau. Elle est beau comme Rimbaud. Elle couche au val du dormeur, c'est l'ange de mon berceau. Et c'est elle, que c'est elle qui va sauver mon cœur, qui va sauver ma peau. Elle est beau comme Rimbaud. Elle est beau. Elle est beau comme Rimbaud. And we are back. So we listened to three songs. The first one was, of course, Non, je n'ai rien oublié, Charles Aznavour. I mean, we had to do one less tribute for 2018. And then Marc Lavoine with his latest album, Je reviens à toi. That was released in May, I believe, with 45 Tours, and Elle est beau comme Rimbaud. So, again, tonight we're going to listen only to songs from albums that were released in 2018. And the next songs are by a young Belgian singer, Angèle, that we've listened to already on this show, and she's about like 22, and she's one of the big révélations of the year, and we're going to listen to two of her songs from her album Brawl. The first one is Victime des réseaux, and the second one is Tarenne. So, Victime des réseaux is a victim of social networks, and Tarenne is your queen. Donc, c'est parti avec Angèle. C'est qu'elle est plus jolie et ça fout la haine. Puis elle poste une photo et l'autre elle met un j'aime. Et puis elle se sent mal, pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment. Car c'est tentant de leur montrer, même si c'est pas vrai. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. Le truc c'est qu'elle donne trop envie et ça fout la haine. Quand elle se regarde elle se dit, de toute façon moi je suis mieux qu'elle. Après elle se sent mal, pourquoi

Et voilà, c'était donc Angèle avec deux titres, Victime des réseaux, Victim of Social Networks, et Taren, Your Queen. Ensuite, il y a deux autres chansons que j'aimerais passer. So the next two songs that I would like to play are not from a newcomer, from Eddie Mitchell, who's been around for decades. His first hits with his with a band around the same time as Johnny Hallyday, so in the early 60s. And Eddie Mitchell didn't release new songs in 2018, but released the second volume of a duet a project called La Même Tribu, or The Same Gang. And so there are two songs that I would like to play from that second volume. The first one is Il ne rentre pas ce soir. He's not going back home this evening. And the second one is Couleur Mantalo. Mantalo is a very classic, refreshing drink for kids. It's like green mint syrup with water, Mantalo, and it is a beautiful, like, dark green. And Couleur Mantalo is the color of the eyes of the girl that he falls for in a kind of a diner. So here's Eddie Mitchell with Il ne rentre pas ce soir, followed by Couleur Mantalo. Il écrase sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offerte notre société. Vous êtes dépassé et du fait de vous être remercié, il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Oh, oh, oh, oh. Il s'en va de bar en bar. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Se décide à traîner, car il a peur d'annoncer à sa femme et son banquier la sinistre vérité. Être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari trompé. Il ne rentre pas ce soir. Fini le golf et le bridge, les vacances à Saint-Tropez. L'éducation des enfants dans la grande école privée. Il pleure sur lui, se prend pour un travailleur immigré. Il se sent dépassé et du fait il est remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Il s'en va de part en part, il n'a plus d'espoir.

Et nous voilà de retour. There are these couple of announcements. So again, we listened to two songs by Eddie Mitchell. At the time, back in the 60s, it was very common for rockers to use American-sounding names like Johnny Hallyday and Dick Rivers and Eddie Mitchell. Something that I forget to mention when I introduced the two songs was the singer with whom Eddie Mitchell was singing in a duet. So the first one with Il ne rentre pas ce soir is Not Going Home This Evening, which actually is the story of a friend of Eddie Mitchell who was an executive in a record company, and that's when the company was bought by a big multinational company and he was laid off. So Il ne rentre pas ce soir was sung by Eddie Mitchell and Maxime Le Forestier. And the second one, Couleur Mantalo, was sung by Eddie Mitchell with Juliette Armanet, who's also one of the revelations of this past couple of years. Donc, la prochaine séquence sera avec Benabar. We're going to listen to two songs by Benabar, and that's actually a dedication for my good friend Edwin, who likes Benabar. So Benabar, the first one is Le Début de la Suite, which could be translated as The Beginning of What's Coming Next, which is also the title of his latest album released in 2018. And then the second song by Benabar that we're going to listen to this evening is La Petite Vendeuse, the young saleswoman. So here we go with two songs by Benabar, and we'll be back right after this. Les aiguilles de la montre ne tournent que dans un sens. Quand on la remonte, c'est encore pour qu'elle avance. C'est le début de la suite. Pourquoi lire à l'envers un calendrier, le journal d'hier aux nouvelles périmées. C'est le début de la suite. En avant la fuite. En avant, t'inquiète pas petite. Demain est un autre jour. Toujours le début de la suite. Pourquoi courir derrière des trains partis depuis des années? On n'arrivera jamais à l'heure au rendez-vous qu'on a raté. C'est le début de la suite. En avant la fuite. En avant, t'inquiète pas petite. C'est le passé, on n'y peut rien changer. Ce sont les salopards qui réécrivent l'histoire. Un genou à terre, regrets, chagrins anciens, sac à dos de pierre. Ça, c'est le début de la fin. En avant.

Hubert de Givenchy, the fashion and perfume designer, and another great singer, Jacques Higelin, passed away in 2018, and also Francis Lay, the music composer who composed most of Claude Lelouch's soundtracks, including the world famous Shabadabada, Shabadabada. He died probably a couple of months ago. So that's for, well, the next, what's coming next will be more joyful, but we had to pay tribute to the great French celebrities who passed away in 2018. As I said, it's going to be a little more joyful. The next two songs are pretty upbeat. They both feature Vianney. The first one is by Maître Gims with La Même, which is one of my daughter's favorite songs. And then, actually, Véronique Sanson, exactly like Eddie Mitchell, she released an album with only duets called Duo Volatile. We've already listened to a couple of those in the past few weeks. And this evening, we're going to listen to one of my personal favorite songs, Chanson sur ma drôle de vie, that she sings with Vianney. So, Maître Gims, followed by Véronique Sanson, both again with Vianney. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey! On y range les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Bah c'est la même, si je vous gêne, bah c'est la même. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, si je vous gêne, bah c'est la même.

désirs et leurs besoins, avec leur bonheur et leur chagrin. Je jongle avec mes rêves, avec mes déceptions et mes peines, avec la peur d'être à découvert, avec l'envie de tout foutre en l'air. Je jongle avec mes choix, avec l'amour et ses émois, avec toutes ces relations humaines aux multiples caractères. Je jongle avec le temps, avec mes doutes et mes sentiments, avec mes fantômes du passé, avec mes joies et mes colères. Mais les épreuves de la vie me tirent vers le bas. Je t'en prie, rattrape-moi, aïe, aïe, aïe. Comment veux-tu que je navigue avec toutes ces vagues, surtout si tu n'es pas là? Et j'ai peur du vide, sur un vide, je suis debout et je résiste face à la pesanteur de la vie. Oui, je suis l'équilibre. Sur un fil accroché à mes rêves, je me demande si j'y arriverai sans tomber. Oui, je fais mes acrobaties en fermant les yeux, en suivant la voie de mes amours pour me guider. You're listening to KFAI, Fresh Air Community Radio, 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air, radio communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et à Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Et vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Vous pouvez également nous contacter sur, principalement sur Facebook. Nous répondons assez rapidement. You can contact us on via Facebook as well, and we can we're pretty responsive with Facebook. So the last song that we listened to was L'Équilibrist, which is someone who walks on a tightrope, or a funambulist, which is not often used, but it's a word that exists, by Soprano. And that's also from his album Phoenix that was released in 2018. Next, we're going to listen to three songs, one by Joyce Jonathan from her album On, and the song is On as well, and then two songs by Vanessa Paradis, who released a new album also in 2018, pretty recently actually, called Les Sources, or The Sources, which is, it also means the springs. And the two songs are La Plage and then Ces Mots Simples. Those, the first one, La Plage, is the beach, and Ces Mots Simples is these simple words. And Ces Mots Simples was actually, the lyrics were written by her new husband, Samuel Benchetrit, who's also a pretty well-known writer and director, movie director. So let's go first with Joyce Jonathan with On, followed by two songs by Vanessa Paradis. Mm-hmm. j'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois, enfant, à moi-même de temps en temps. Ces mots simples pour te les dire, je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent, que l'hiver soit aux amants. Je voudrais, pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Sur ces mots, justement, Beautiful Song by Vanessa Paradis, Simple Words. Avant ça, il y avait La Plage, The Beach, c'est by Vanessa Paradis on her latest album, Les Sources. And before that, we listened to On by Joyce Jonathan. Maybe it's time to talk about the events in the French-speaking community. This week, on January 5th, as the first Saturday of every month, there will be le Petit Déj at the Alliance Française, 113 First Street North in Minneapolis. And this event is free. A donation is suggested. The same day for the French-speaking or Francophile community in Rochester, there is also going to be a Petit Déj by the Alliance Française. This one will be at the Old Abe coffee shop or a coffee company, 832 7th Street Northwest in Rochester. Donc, amis de Rochester, allez parler français samedi matin. It's at 9:30 at the Old Abe Coffee Company. Also, a notable event still on Saturday, on January the 5th, still at the Alliance Française, there will be the Galette des Rois, which is the French King's Cake. But instead of just going to eat Galette des Rois, there is actually the Alliance Française is organizing a competition, un concours de Galette des Rois. So anybody can go and with their own galette and compete in order to determine whose galette is the best. So the concours starts, well, the event starts at 4 It goes until 7, still at the Alliance Française, 113 First Street North in Minneapolis, in the North Loop neighborhood. For this event, there's a fee. On the 5th, there's a the band, the New Riverside Ramblers will be playing at Eagles 34. There is a cover charge for it. It's a Cajun music. They were actually on the show not so long ago. Quite a few events this coming weekend. It will be the following week, on the 15th and 16th of January, the French band Paris Combo will be performing 4 shows at the Dakota, 2 on the 15th and 2 shows on the 16th. And we are very lucky because they agreed to an interview that Frédéric did this past week, recorded the interview, and we'll be playing the interview for you next week on our show. And again, the Paris Combo shows will be on the 15th and the 16th, and of course next week we'll be playing a few of their songs from their latest album and the older ones as well. Next, I would like to listen to 2 songs by someone who's not a newcomer, Le Grand Retour de Michel Polnareff. We had been waiting for a new album since 1990, so it took him 28 years to come up with a new album called Enfin, At Last, Finally. His latest album before that one was Kama Sutra in 1990. The 2 songs we're going to listen to are Grand Pas, is Big Steps, and the following one, which is the first single that that was released from that album, L'Homme en Rouge, The Man in Red. Let's listen to Michel Polnareff with Grand Pas, followed by L'Homme en Rouge. Grandis pas, n'oublie pas ce que tu sais. Grandis pas, t'es déjà ce que tu es. Chaque centimètre vaut comme 1 kilomètre. Ne laisse pas le temps faire de tes pas ce danger. Laisse tes joies rester là tout près de toi. Reste un prince, ne quitte pas ce royaume-là. Dis-moi que tu nous aimes avec tes poèmes. Attrape ma main, allons marcher dans tes dessins. Et quand tu te mets à moi face à l'inconnu, j'aime tellement te rassurer. Maintenant, c'est moi qui suis perdu. Ma main, ma main. Pas pas où les songes deviennent des mensonges. Ne quitte pas ton lit. Pourquoi devient-il si petit? Garde l'âge des nuages tendres et légers. Ce visage, paysage tellement parfait. Et quand tu te tenais à moi face à l'inconnu, j'aimais tellement te rassurer. Maintenant, c'est moi qui suis perdu. Chante et menace son héros. Are Back. So those two songs were from Michel Polnareff's latest album. That was again long awaited. So that came out, this album came out in November. And the first song was Grand Pas, Big Steps, and then L'Homme en Rouge, The Man in Red. And it is shout out time, and I would like to say a little bonjour or bonsoir to new listeners who happen to be good friends of mine. Aaron and Heather and their daughters Eva and Sophia are listening right now. One more song that I would like to play now is by Johnny Hallyday. Yes, he passed away in December of 2017, the one who was known as the French Elvis. But there was in 2018 a pretty long, and it's still going on actually, but a pretty long legal battle over his inheritance, of course. The main problem is that, well, he's French, but his residence is in Los Angeles, so U.S. law also applies, etc. So it's pretty long. And another legal battle was over his posthumous album, Mon Pays C'est L'Amour, Love is My Country, that was released in the second half of 2018, and like 800,000 copies were sold within like 24 hours. And the legal battle was that, well, two of his kids wanted to have a say about the album, the production, and the songs that would be featured on that posthumous album. So I'm going to play for you a song by Johnny Hallyday from his posthumous last album, L'Amérique de William, which could translate as William's America. So let's listen to Johnny Hallyday. L'Amérique de William, ce sont les grands espaces intimes vus d'une fenêtre de cuisine. Ce sont les mégots de l'espoir qui fument encore sur les trottoirs. L'Amérique de William, ce sont les plaques de Texaco renversées dans l'œil des cyclones. Ce sont les motels solitaires qui attendent qu'une chambre se libère. Sur les photos d'Eggleston, y a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. Sur les photos d'Eggleston, y a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. Ce sont des bars au crépuscule, des villes fantômes sous la lune. Ce sont des fleurs qui ont poussé dessous la bannière étoilée. Oui, l'Amérique de William, ce sont les grands espaces intimes, plus qu'une fenêtre de cuisine. Ce sont les mégots de l'espoir qui fument encore sur les trottoirs. Sur les photos d'Eggleston, y a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. Sur les photos d'Eggleston, y a des filles qui protègent leur môme du désir et des hématomes. Sur les photos d'Eggleston, y a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. Sur les photos d'Eggleston, y a des filles qui protègent leur môme du désir et des hématomes.

Je ne me connais plus, tous mes repères perdus. Je croyais voir le monde pour ce qu'il était vraiment, mais son arrivée me tourmente et pourtant je me croyais plus forte, usée par notre époque. Mes plaies s'ouvrent pour lui, ne faut-il pas que je m'emporte? Le vent souffle vers l'est, de rire et de caresses, je tangue autrement. Et je suis somnambule, mon rêve devient silence et gère sans lui les doutes d'une incrédule, se perd de temps à la nuit. Et tout s'est décidé, je ne vis que d'idéaux, de mots cassés, je tente d'être complété. D'amour est inconnu. Et quand il m'enlace, je ne me sens plus lâche. Les défis d'autrefois paraissent loin et pourtant je sais que cette épreuve peut détruire à jamais les espoirs d'une vie parsemée de regrets. Et quand il me regarde, je sens mon cœur débattre. Être sans lui, c'est une mort qui s'annonce lentement. Le vent souffle vers l'est, l'océan me perce, je tangue tendrement. Et je suis somnambule, mon rêve devient silence et gère sans lui les doutes d'une incrédule, se perdent dans la nuit. Et tout s'est décidé, je ne vis que d'idéaux, de mots cassés, je tente d'être complété. D'amour est inconnu. D'amour est inconnu. D'amour est inconnu. And we are back after two songs by Cœur de Pirate. The first one was Prémonition, Premonition, followed by Somnambule, The Sleepwalker. Next, two songs from another album that was released in 2018. It was an album by Jean-Louis Murat. And Jean-Louis Murat is to French music or French, French songs, what Woody Allen is to American cinema. He makes one album per year, like Woody Allen, or maybe not so much anymore, but he used to make one movie per year. So we would talk about the 2015 Woody Allen movie. And Jean-Louis Murat has been very consistent, and every year there is a new album, but he keeps reinventing himself. And his latest album is another example of that. And so the first song that we're going to listen to is La 13e porte, meaning the 13th door or gate, followed by Marguerite de Valois. And Marguerite de Valois was a queen of France. She was actually Henry IV's wife. So we're going to listen to those two songs that are from, again, Jean-Louis Murat's latest album, and the title of the album is in Italian, Il Francese, which was the name given to Caroline Bonaparte's husband, who was French, and they were in Italy. We're going to listen to those two songs, but first, an announcement. Ghost Trees, Roar of the Underground, and KFAI present Heavy Air, an evening of metal, improv, noise, and ambient music. Over a dozen groups across three stages, including The Blight, American Cream, Iosis, John St. Pelt, Inhumanity, and more. One night, January 12th, Eagles Club number 34, 2507 East 25th Street in Seward. Tickets available at the door the night of the event. dans l'étrange tombeau. J'ai eu peur de l'ennui, voulu l'incendie. Aïe, aïe, aïe. Sous un ciel de traîne, un amour s'en va. La cavalerie s'éloigne déjà. Sous un ciel de traîne, pile au point d'amour, s'en va le jour. La treizième porte s'ouvre devant moi. Les hauteurs de Naples s'embrasent déjà. Robinson est mort, pile au point d'amour, s'en va le jour. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est quoi cette vie? Qu'est-ce que tu viens chanter? Non, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'on ne vit que deux fois? Qu'est-ce que tu viens chanter? Marguerite de Valois. And we are back. Nous sommes de retour après ces deux chansons de Jean-Louis Murat, de son dernier album Il Francese, avec encore une fois, c'était la 13e porte. The first song was la 13e porte de The 13th Door. And the second one was Marguerite de Valois, or Margaret of Valois, if it needs to be translated. So it is, we're approaching 10 p.m. So I'm going to say bonsoir, bonne nuit, have a good night, bonne semaine. We'll be in the studio for you next week, Tuesday, bonjour Minnesota, from 8 to 10 on 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul and on KFI.org. After this, Nikolai will be in the studio for Balkan Jamboree. And before that, we're going to listen to a couple more songs. Another one by Eddie Mitchell from La Même Tribu, duet with Calogero, with Pas de Boogie Woogie. Followed by another song by soprano, which is La Voisine, The Neighbor. So have a good night, et à la semaine prochaine. Le papa dit que l'acte d'amour, sans être marié, est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon sermon. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mais bien, chers frères, mais bien, chères sœurs, reprenez le tout, tout en cœur. Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant, l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre père, le diable. Afin d'observer les réactions sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Pas de zone visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris. Ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie woogie. Mes bien chers frères, surtout mes sœurs, reprenez avec nous tout son cœur. Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre père éternel. Non, pas de woogie woogie avant vos prières du soir. Dans ta maison, on a l'air me le dire, à quoi bon? Si ton pape nous fait perdre l'affaire, on ira tout droit en enfer. On essaiera encore à la messe de midi le serment du boogie woogie. Mes bien chers frères, surtout mes sœurs, reprenez avec nous tout son cœur. Ah, le boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Ah, le boogie woogie, avant vos prières du soir. Ne faites pas